Oui, salut. Eh ben, ouais, salut, vous m'entendez bien ? Salut la centrale. Je suis avec Olaf, qui est militant à la CGT Éducation, également à la gauche révolutionnaire. Et on est en direct depuis la manif de Rouen, où il y a beaucoup de monde et il y a une ambiance super péchue. Je vais laisser Olaf continuer. Oui, donc on est, ça fait beaucoup de journées qu'on est en lutte. On a commencé le 5 décembre, mais contrairement à ce que le gouvernement veut nous faire croire, le mouvement n'est pas en train de descendre, c'est tout le contraire. Il y a des appels à la grève qui se multiplient déjà pour la semaine prochaine. Côté éducation, on est très très très mobilisé. D'ailleurs, ça va continuer avec des actions très péchues dès lundi matin. Lundi matin, blocage du rectorat à 6h du matin à Rouen. Oui, exactement. On veut aussi démontrer que nous, on se bat contre la casse de retraite, mais on se bat également contre la casse de l'éducation. On n'accepte pas les suppressions de postes, on n'accepte pas la fusion des académies de Rouen et de Caen, qui vont entraîner des dégradations pour les salariés des deux rectorats. Et surtout, on n'accepte plus que cette éducation à deux vitesses, dans laquelle les gamins des milieux défavorisés sont toujours mis à l'écart. Et donc, nous, on veut lier ces deux combats, c'est-à-dire un vrai combat pour un service public de l'éducation de qualité, gratuite, ouverte pour tous les jeunes, tous les enfants, et aussi avec une baisse des effectifs très importante. Et on veut surtout dégager cette réforme qui va nous faire travailler plus longtemps, pas seulement nous, les profs, mais l'ensemble des salariés, et qui va baisser de manière importante nos retraites. Et de manière générale, on refuse aussi leur projet de société, parce que leur projet de société, c'est la société de BlackRock, c'est la société du CAC 40, la société des gros patrons et les grands groupes capitalistes. Et nous, on veut se battre pour une société solidaire dans laquelle tout le monde peut vivre dignement et avec des conditions de travail décentes et avec une vraie vie sans exploitation, sans pression des managers du privé et du public. J'ai l'impression que là, ils veulent épuiser le mouvement en le faisant durer, mais qu'en fait, c'est vraiment complètement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que moi, là, plus je m'entretiens avec les gens, plus à chaque fois, c'est la condamnation globale en fait, du projet capitaliste qui ressort maintenant beaucoup plus. Quoi. Au départ, les entretiens, c'était sur les retraites. Et maintenant, en fait, ouais, il y a les retraites, mais en fait, on se bat pour beaucoup plus que ça. Quoi. Oui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. En fait, cette réforme-là, c'est la réforme de trop. Ça fait des années, voire des décennies, qu'on se prend plein la tête. Sarkozy, il a fait une casse sociale, des acquis sociaux assez importantes. Hollande n'a pas suivi, mais Macron, il a accéléré le pas. Et en gros, le projet de Macron, c'est une rupture complète avec tout ce qui est collectif, tout ce qui est solidaire, tout ce qui est acquis sociaux. Et effectivement, le fond de ce mouvement-là, c'est un rejet de leur système capitaliste. C'est cette course au profit effréné que beaucoup de gens refusent. Et c'est surtout aussi toute cette précarité que des millions de Français vivent tous les jours. Et tout ça, ça fait vraiment un tout, un sentiment global qu'on ne voit plus de cette société qui fonctionne uniquement pour les riches, les super riches, les gros actionnaires, et non pas pour les, je dirais, 65 millions de Français qui travaillent, qui ont du mal à finir leur mois, qui ont du mal à avoir une éducation correcte pour leurs gosses, qui ont du mal à avoir des soins médicaux corrects. Et tout ça, c'est un ensemble qui fait qu'aujourd'hui, la mobilisation ne faiblit pas, mais bien au contraire, elle monte en crescendo. Et de plus en plus de secteurs arrivent dans la bataille. Par exemple, jeudi, il y avait des travailleurs du bâtiment qui étaient présents dans la manif. C'est nouveau et c'est très bien parce que dans les privés, ils ont beaucoup plus de pression de se mettre en grève parce que les patrons leur mettent la pression. Et puis, par rapport à ça, nous, on veut encourager tout le monde en maintenant nos manifs, nos grèves, de se lancer dans la bataille parce qu'une société solidaire nous concerne tous, mais il faut qu'on mène la bataille pour. Merci Olaf, bonne manif. Merci. La centrale, vous m'entendez toujours ? Oui, et ben, j'espère que vous avez bien entendu en dépit de la sono d'enfer de la CGT en ce début de manif. Et à tout à l'heure, je vous rappellerai.